Thank you. maintenant, il a touché les. Est-ce que ma mère peut compagner le type? Bonne heure. Il y a un village au Rotorpal, où on vient, il y a un village. Il y a un village en Pérel, là. Là, il s'en va pas. Là, il s'en va pas.